J'ai perdu le fil, Ariane. Je me suis perdu dans tes yeux. J'aimerais, c'est un aveu, ne plus jamais en sortir, ou y revenir souvent. Je suis comme dans une fusée, Ariane, en apesanteur ailleurs. Je vois la terre dans le hublot qui disparaît, on s'en moque. Tu me donnes le vertige, Ariane. Ariane, j'ai la banane quand tu es là. Ariane, pyromane, mon cœur est en flamme. Ariane, il y avait du vent indélicat qui s'engouffrait dans ton pull. Quelquefois tu frissonnais, je t'aurais bien réchauffé, serré contre moi. Il y avait du soleil, Ariane, qui crachait des paillettes d'or sur la mer bouleversée et nos cœurs dansaient sur les vagues ballottées. Ariane, j'ai la banane quand tu es là. Ariane, pyromane, mon cœur est en flamme. Ariane, la nuit est tombée, Ariane, sur le rocher de la Ciotat. On avait un peu froid, on était un peu là, on s'est dit à bientôt, Ariane.